En ce moment, Eugène et le père Goriot sonnèrent. « Ah, voilà mes deux fidèles !» dit la veuve en soupirant. Les deux fidèles, qui n'avaient qu'un fort léger souvenir des désastres de la pension bourgeoise, annoncèrent sans cérémonie à leur hôtesse qu'ils allaient demeurer à la Chaussée-d'Antin. « Ah, Sylvie !» dit la veuve, « voilà mon dernier atout. Vous m'avez donné le coup de la mort, messieurs. Ça m'a frappé dans l'estomac. J'ai une barre, là. Voilà une journée qui me met 10 ans de plus sur la tête. Je deviendrai folle, ma parole d'honneur. Que faire des haricots? Ah, bien, si je suis seul ici, tu t'en iras demain, Christophe. Adieu, messieurs, bonne nuit. » « Qu'a-t-elle donc ? » demanda Eugène à Sylvie. « Dame, voilà tout le monde parti par suite des affaires. Ça lui a troublé la tête. Allons, je l'entends qui pleure. Ça lui fera du bien de chigner. Voilà la première fois qu'elle se vide les yeux depuis que je suis à son service. »